إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله أمة الإسلام أمة عقيدة وصفاء وعبادة ومعاملات ونقاء تأمر بتقوية أواسر المحبة والألفة مع الأقارب والإخوان وتنهى عما يزعزع بينهم فالقطيعة والشحناء سبب لانهيار المجتمعات وكثرة الخلافات ولذا حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يغر الصدور ويبعث على الفرقة والشحناء فقال لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا رواه مسلم وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد رواه ابن ماجه وهو صحيح وسلامة الصدر صفة للمؤمن ونعمة توهب في الجنة يقول تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين وهي راحة في الدنيا وغنيمة في الآخرة لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أنه من أهل الجنة وكان سبب ذلك أنه يبيت كل ليلة وهو لا يجد في نفسه غلا ولا حسدا على أحد عباد الله إن نظرة فاحصة لمجتمعاتنا تبين أن العلاقات أصبحت مهددة بالقطيعة لأتفه الأسباب وانتشار الغل والحسد والشماتة والتشفي لأبسط الأشياء رغم النصوص الكثيرة المحذرة من ذلك غل وحقد دون ما سبب يذكر البعض يغيظه نجاح إخوانه وأصدقائه فيلمز بهم ويظهر معايبهم ليرضي نفسه المريضة وآخرون يختلفون ويتقاطعون عن بعضهم لسنين لأمر تافه يحصل بينهم نساهم في تفريق مجتمعنا وتمزيق أواسر الأخوة بسوء تعاملنا فيما بيننا سوء ظن واتهام غيبة ونميمة وبهتان، لا يصدق بعضنا أن يرى على أخيه خطأ حصل فلا يناصحه بالحسنى ليعالج الخطأ، وإنما يبادر بفرحة لنشر خطئه وفضيحته والاستهزاء والشماتة به والتشفي منه ليعين الشيطان عليه. لا نترك مسلما ولا مصليا ولا مسؤولا إلا بالنقد والاتهام لأبسط وجهات نظرنا التي ربما تكون خاطئة، وإذا نقدنا الخطأ جانبنا الخلق القويم والكلام السليم، وإنما سب وطعن في الذمم. حتى بعض أهل الفضل والصلاح ورواد المساجد تجد بين بعضهم خصومة وقطيعة وسوء ظن وضغينة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا يدعو للحديث عنها. سبحان الله، أين هذه الأفعال من خلق الإسلام وتعاليم القرآن وتوجيه نبينا عليه الصلاة والسلام؟ أنك تجد بعض هؤلاء يتورع عن أكل الحرام والنظر الحرام، وربما بكر لصلاة وقيام ويقدم الصدقة والصيام، لكنه يحرق حسناته بترك قلبه مرتعا لمهاوي الحقد والحسد والغل والضغينة والتباغض والقطيعة والبحث عن زلل وخطيئة. فأنى له أن يأتي ربه بقلب سليم؟ قال ابن القيم رحمه الله: سلامة القلب بعدم إرادة الشر بعد معرفته وقصده والعمل به. أيها الإخوة، الشحناء والبغضاء بين أفراد المجتمع المسلم نهى عنها ديننا الحنيف، فنهايتها أليمة وعواقبها وخيمة على الفرد والمجتمع، وهي من الشيطان. يقول تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ومن أسباب التشاحن والتباغض النميمة يتساهل بها الناس، وقد تأتي عرضا أو مزاحا بالوشاية بين الناس تفسد قلوبهم ولو بدون قصد. ولذلك ذمهم الله وقال: هماز مشاء بنميم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة فتان، وهو النمام. أما السبب العظيم لكثير من الشرور والشحناء فهو التمني زوال النعمة عن صاحبها. الحسد، وما أدراك ما الحسد؟ فيه تعد وأذى للمسلمين، توعد الله من شر حاسد إذا حسد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب. رواه أبو داود. وهو سبب للغيبة والنميمة والبهتان على المسلمين والظلم والكبر والحقد. ومن أسباب القطيعة الغضب، فهو مفتاح كل شر. أوصى صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: لا تغضب، ورددها مرارا. رواه البخاري. لأنه يفقد العقل ويخرج الإنسان عن طوره ومن قيمه وخلقه. ومن أسباب القطيعة والشحناء كثرة المزاح الذي يتساهل به البعض، فهو يرث الضغينة ويجر إلى القبيح. وأما ما ساهم مؤخرا بقوة يعني هذه الأسباب وانتشارها، فهو سوء استخدام وسائل التواصل لدينا بسرعة النشر لما يعرض بها مما هب ودب وفيه نيل من الناس، واتهام للأعراض والمسكين ينشر ما يأتيه ولا يبالي بما يفعله من شر ويحصله من إثم أو ما ينتجه من ضرر على نفسه وغيره وفي المجتمع سواء باسمه الصريح أو حين يختفي من الناس باسم مستعار ينال به من الغير والله أعلم به. والبعض يحتج بقطيعته للغير ونيله منهم واتهامهم وسوء ظنه بهم أن هذه طبيعته وخلقته ولا يستطيع تغييرها فيتجنب الناس ويخسر الصداقات ويقطع القرابات، وهذا غير صحيح. فالواجب عليه تعويد نفسه التحمل والصبر خاصة من قرابته، فله في ذلك أجر عظيم حتى مع من يقطعونه ويسيئون إليه فالله يدافع عنه. وإذا أراد الإنسان أسبابا تعينه في تعامله وحسن ظنه فليخلص نيته لله تبارك وتعالى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وعلامة الإخلاص محبة الغير وتجنب القطيعة والغل، يفرح بالحسنة لهم ويحزن لمصابهم. ورضا العبد عن ربه يجعل قلبه نقيا سالما من الغش والحسد والشحناء. وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا والإعراض عن الله ضنك وشقاء، فهو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس، قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وتذكر الحساب والعقاب يردع الإنسان ويخوفه مع معرفة عظم إثم القطيعة، لا سيما الأرحام التي تشتكي في زماننا هذا قطيعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. ألا يعلم القاطع أنه مفسد؟ يقول الله سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ والقطيعة والهجران سبب لعدم رفع الأعمال. قال عليه الصلاة والسلام: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا ثلاثا. رواه مسلم. وأما الدعاء فعون للعبد لإصلاح دينه وقلبه، ويدعو حتى لمن اختلف معهم، وهذا دأب الصالحين. يقول تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكذلك الصدقة تطهر القلب وتزكي النفس. يقول تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وإفشاء السلام سبب لنشر المحبة كما في الحديث: فأحب لأخيك ما تحب لنفسك، وهذا صريح الإيمان. ولا تستمع للغيبة والنميمة عن إخوانك ليبقى قلبك سليما عليهم. واسعى دوما في إصلاح ذات البين، ولو لم تنجح في سعيك فهو خير العبادة. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم كما يقوله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. ثم بادر أخي للاعتذار والتوضيح إذا أخطأت في حق أقاربك وإخوانك، ولا يمنعنك الكبر وصلابة الرأي عن التراجع والاعتراف بالخطأ والاعتذار عمن أخطأت عليه وظلمته. وإذا رأيت من أحد خطأ أو بلغك عنه ما تكره، لا تدمره في نفسك وتقاطعه كما يفعل البعض، بل صارحه وأبلغه بعتبك، فربما فهمت خطأ أو نبهته لفعله. وهذه المصارحة لو تعودنا عليها لوجدنا راحة عظيمة في الاعتذار والتوضيح، تغنينا عن القطيعة والهجران والفرقة بين الإخوان. نسأل الله دوام المحبة والألفة بيننا، وإن يجنبنا القطيعة والخصومة عندنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteur d'Allah, sachez que la Umma de l'Islam est une Umma, une nation établie sur la croyance, sur la pureté, sur l'adoration, les bonnes interactions avec les autres. Et l'Islam nous ordonne de raffermir les liens entre nous, de l'amour, de l'affection, du rapprochement avec les proches, avec les frères. Et l'Islam nous interdit également tout ce qui peut créer des coupures ou des disputes entre nous, entre les frères, parce que ce sont des choses qui causent de grandes divergences et de grands problèmes entre nous et qui menacent la société musulmane et la communauté musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti contre toute chose qui pourrait créer dans le cœur de la division, de la haine, de la jalousie, des discordes. Et il nous a dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, ne vous coupez pas les uns les autres, ne coupez pas les liens les uns avec les autres, ne vous tournez pas le dos les uns aux autres, ne vous détestez pas les uns les autres, ne soyez pas jaloux les uns des autres, et soyez des serviteurs d'Allah, des frères. Et il n'est pas permis à un musulman d'éviter son frère pendant plus de 3 jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un autre hadith, il a dit, je jure par celui qui tient mon âme en sa main, vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous soyez croyants. Et vous ne serez croyants que lorsque vous vous aimez les uns les autres. C'est donc pour dire que il faut encourager tout ce qui amène l'amour entre les croyants et repousser tout ce qui amène entre eux de la discorde, de la dispute, de l'animosité, de la haine, de la jalousie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question, qui est le meilleur parmi les hommes? Et il a répondu, toute personne qui est mahmoumul qalb sadoukul lisan. Sadoukul lisan, les sahabes ont dit, on sait ce que ça veut dire. C'est celui qui est véridique, qui dit la vérité avec sa langue. Mais mahmoumul qalb, qu'est-ce que ça veut dire? Alors il a répondu en disant, c'est la personne qui est pieuse, qui est pure, et dans son cœur il n'y a pas de péché, il n'y a pas de transgression, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de jalousie. Et donc ça c'est des caractéristiques que le musulman il doit développer. Et c'est même une des caractéristiques qui décrit les croyants lorsqu'ils seront au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie, et nous retirerons de leur poitrine tout ce qu'il y avait comme, hein, comme rancune, comme rancœur. Et ils seront comme des frères, accoudés sur des lits, faisant face les uns aux autres. Et donc, al-ghil, qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-ghil, cette rancœur, cette rancune, le fait de garder toujours de l'animosité contre les gens parce qu'ils nous ont fait une injustice ou un tort, et de ne jamais vouloir leur pardonner, et de ne jamais vouloir excuser l'erreur des autres, ça fait partie des mauvaises caractéristiques. Et pour que le musulman puisse retrouver en son âme et en sa personne le repos et la paix dans son cœur, il doit apprendre à se débarrasser de ces choses-là. Il doit apprendre à se débarrasser de ces choses-là. Et c'est une des choses qui sera une cause pour le faire rentrer au paradis. Et il y a l'exemple du sahabi qui est passé devant les sahaba, un homme qui est passé devant les sahaba alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec eux. Et il a dit, cet homme-là, il va être au paradis. Il a dit un homme, il a vu un homme, il a dit, cet homme-là sera au paradis. Alors un d'entre les sahaba, il a voulu savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'il fait de spécial pour aller, pour mériter cette belle chose, hein, cette belle annonce du paradis. Alors il est allé vers lui et il lui a dit, je m'excuse, chez moi j'ai des problèmes, j'ai des ennuis, est-ce que je pourrais passer la nuit chez toi? Alors il a dit, oui d'accord. Alors il est venu dormir chez lui pour voir qu'est-ce qu'il fait de spécial cet homme pour mériter le paradis. Alors pendant la nuit, il est resté réveillé pour observer la personne, voir est-ce qu'il va se lever pour faire des prières. Il n'a pas vu rien de spécial. Puis le lendemain, il a dit à l'homme, je suis venu chez toi en réalité, c'est uniquement parce que j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à ton sujet que tu allais être au paradis. Et j'ai voulu savoir qu'est-ce que tu fais. Mais je ne t'ai pas vu faire de prière de la nuit, je ne t'ai pas vu faire rien de chose particulière. Donc, qu'est-ce que tu penses qui pourrait être la cause de te faire rentrer au paradis? Et qu'est-ce qu'il a répondu cet homme? Il a dit, moi, je ne sais pas. Mais, une chose par contre, qu'est-ce que je fais? C'est que lorsque je me couche le soir, je fais en sorte que je n'ai rien dans mon cœur comme rancune ou comme animosité envers personne. C'est-à-dire quand il dort le soir, il n'a pas de problème ou de haine dans son cœur contre aucun musulman. Et ça, c'est une des choses qui a fait que, yani, il a mérité le paradis pour ça. Et donc, si on regarde tout ce qui se passe parfois dans nos sociétés, dans nos communautés, et quand on voit, hein, des manifestations de jalousie, de médisance, des gens qui parlent sur le dos des autres, ou qui colportent des mauvaises informations sur les autres, ou qui sont jaloux des autres quand il leur arrive du bien, et qui se réjouissent lorsqu'ils entendent que quelqu'un a fait une erreur, ou qu'il est tombé dans une faute, et ils se précipitent pour le diffuser et le colporter à tout le monde. Donc ça, c'est pas correct. Ce genre de comportement-là, c'est loin de l'islam. Et c'est loin des enseignements de notre religion. Des fois, les gens, ils ont une petite dispute entre eux pour des choses vraiment insignifiantes, des choses futiles. Et puis, à cause de ça, ils vont plus se parler, ils vont plus s'adresser la parole pendant des années. Hein? Subhanallah. Alors que ces choses-là, ça ne mérite pas ça. Hein? Et on n'a pas le droit donc d'agir de cette manière, ou bien de parler dans le dos, ou bien de se réjouir des fautes de nos frères, ou des choses de ce genre. Et donc il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ce genre de choses. Tu vois que parfois il y a différentes causes qui amènent les disputes entre les musulmans, et le shaytan, il encourage ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne dans le Coran que, hein, il dit au Muhammad, dis aux gens, dis aux musulmans, dis à mes serviteurs qu'ils utilisent les bonnes paroles entre eux, qu'ils parlent entre eux de la bonne façon, parce que le shaytan essaie de semer la discorde entre eux. Et le shaytan est certes un ennemi évident pour l'être humain. Et donc parmi les causes de discorde et de dispute entre les gens, la médisance et le fait de faire de la médisance, de colporter les mauvaises rumeurs sur des gens. Parmi les causes, la jalousie. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous demande de chercher le refuge en lui contre le jaloux, lorsqu'il est jaloux. Min sharri hasidin idha hasad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez garde à la jalousie, car la jalousie, elle mange les bonnes œuvres, les hasanat, comme le feu mange le bois. Également, parmi les causes des divergences et des disputes, il y a la colère. Parfois, quelqu'un va dire des choses à son frère dans un moment de colère et il ne réfléchit même pas à ce qu'il dit. Il ne va même pas réfléchir, il ne va même pas penser à ce qui sort de sa bouche. Et il va dire des choses que par la suite, quand il va réfléchir, il va dire, mais pourquoi j'ai dit ça hein? Peut-être que ce sont des choses qu'il ne pense même pas réellement. Mais la colère, et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé à un d'entre les sahaba, quand il est venu lui demander conseil, il lui a dit, ne te fâche pas, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère. Il lui a répété plusieurs fois. Et donc il faut prendre garde à ça. Également de faire trop de plaisanteries, ça peut être une cause aussi. Lorsque les gens se plaisantent trop et ils exagèrent dans la moquerie là, ou bien dans la plaisanterie les uns avec les autres, et ça peut amener parfois l'animosité entre les cœurs. Et donc il y a beaucoup de causes et beaucoup de raisons qui amènent des disputes, mais parmi les choses qui aident à se débarrasser de ces choses-là, de se débarrasser de ces mauvaises caractéristiques, c'est premièrement à l'ikhlas, la sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une des choses les plus importantes pour le musulman. Parce que ça demande, bien entendu, de faire des efforts avec soi-même, des efforts avec son âme. Ça demande une tarbiyah, ça demande une éducation. On ne peut pas se débarrasser facilement des mauvaises habitudes qu'on a adoptées, des mauvais comportements qu'on a acquis. Et donc, il faut s'habituer à travailler sur soi-même pour changer notre personne, changer notre être. Il y a des gens qui disent, moi je ne peux pas changer, c'est comme ça que je suis. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, innama al-ilmu bit-ta'allum wa innama al-hilmu bit-tahallum. Ça veut dire que si tu ne fais pas des efforts pour développer des caractéristiques, tu ne vas jamais les développer, mais tu dois te forcer, tu dois travailler sur toi-même pour arriver à être capable de changer ça. Également, tu dois être satisfait de ton Seigneur et de qu'est-ce qu'il a décrété pour toi et qu'est-ce qu'il t'a prédestiné, et être heureux de ça et apprendre à être satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, le fait de réfléchir et de penser au châtiment et au jugement dernier. Et ça, c'est des choses qui aident à s'abstenir de faire des désobéissances et des choses interdites. De même que si on est au courant de la gravité de couper les liens de parenté, ça c'est quelque chose qui nous encourage à faire des efforts pour garder ces liens-là. Parce qu'il y a des gens qui ont des disputes avec des proches et ils restent en dispute avec eux pendant des années. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le lien de parenté, c'est une chose qui est accrochée sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, celui qui me rattache, qui me garde, Allah va l'attacher, va le garder attaché aussi. Mais celui qui le coupe, c'est-à-dire le lien de parenté, Allah va le couper. Et le fait de couper les liens de parenté, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le Coran, ça fait partie de la corruption et le désordre sur la terre. Et également, le fait de couper les liens de parenté ou bien de se distancer les uns des autres, de couper les liens avec nos frères, c'est une des choses qui fait que nos œuvres, les bonnes œuvres qu'on peut faire, ne sont pas élevées vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'exemple de ça, c'est dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Il dit que le lundi et le jeudi, les œuvres, les portes du paradis sont ouvertes. Et c'est le moment où Allah subhanahu wa ta'ala reçoit les bonnes œuvres. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne à tout serviteur qui n'a pas fait de shirk avec Allah, qui n'a pas associé avec Allah dans l'adoration. Excepté celui qui a une dispute avec son frère, qui refuse de lui parler. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce moment-là, attendez pour ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient, jusqu'à ce qu'ils se soient réconciliés. Hein? Donc tant qu'ils ne se sont pas réconciliés, leurs œuvres vont être en attente d'être acceptées. Et aussi parmi les choses qui aident à réparer les problèmes entre nous, le fait de faire des invocations les uns pour les autres et de demander à Allah pardon, hein, entre les croyants. Aussi, une chose qui aide aussi à réparer les conflits, les problèmes et purifier le cœur, c'est le fait de faire des sadaqat. Parce que sadaqa, ça efface, ça brûle les péchés, ça efface les péchés et ça purifie le cœur. Et il faut savoir que on n'est jamais perdant si on essaie de réconcilier entre deux personnes lorsqu'ils ont une dispute ou lorsqu'ils sont en conflit, hein, d'essayer de les rapprocher, islah dhat al-bayn, d'essayer de les rapprocher. Et des fois on dit ah mais ça sert à rien, ils vont pas se parler, ils vont pas se réconcilier. Même le fait d'essayer de les réconcilier, il y a une grande récompense là-dedans. Même si tu crains que tu ne vas pas réussir, c'est pas grave. Essaie de les réconcilier quand même. Hein? Fais des efforts pour ça. Et aussi une chose importante, c'est que tu dois essayer d'apprendre à excuser ton frère s'il a fait une erreur. D'aller le voir et de lui clarifier les choses ou de demander une clarification s'il a fait une erreur envers toi. Ou si toi tu as fait une erreur envers ton frère, et ne laisse pas l'orgueil, la fierté, hein, ou la dureté de tes opinions t'empêcher d'aller vers ton frère et de lui dire, et de reconnaître ton tort si tu as fait une erreur envers lui, et de lui dire, mon frère, je m'excuse, j'ai mal agi envers toi, j'ai été injuste. Hein, et de lui admettre la réalité de qu'est-ce que tu as fait envers lui. Ou bien si tu penses que quelqu'un a parlé contre toi ou a dit des choses sur toi, va le voir, dis-lui, hein, j'ai entendu telle chose, il paraît que tu as parlé contre moi, il paraît que tu as fait telle chose, hein, et peut-être que tu as mal compris, peut-être que c'est pas ça du tout. Donc tu vas aller lui parler, tu vas clarifier les choses et tu vas être direct avec la personne, et ça après peut-être que vous allez constater que, hein, il n'y avait rien à la base. Ou bien s'il y avait quelque chose, vous pouvez vous pardonner les uns les autres et vous excuser et raffermir les liens de fraternité qui doivent exister entre les musulmans. Et parce que des fois les gens, Allah al-Musta'an, pour des choses vraiment insignifiantes, hein, ils cessent de se parler alors qu'ils sont des musulmans, alors qu'ils croient à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut vraiment faire attention et craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans ces choses-là. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت